Bonjour et bienvenue dans la septième séquence du cours sur l'économie du document. Cette séquence marque la fin de la première partie du cours. Elle est consacrée à la conclusion de nos réflexions sur l'économie du web et aussi bien sûr à un bilan collectif qui nous permettra de reprendre l'ensemble des objectifs des séquences précédentes. Cette séquence sera aussi l'aboutissement des discussions sur les billets du blog et bien sûr aussi le rendu de vos dossiers définitifs. Pour ma part, et sans préjuger du bilan que vous tirerez de cette première partie, j'ai le sentiment que les interactions, les annotations très nombreuses que vous avez pu mettre sur les textes, les commentaires que vous avez déposés sous les billets, ont démontré d'une façon très probante tout l'intérêt de la construction d'une intelligence collective. La semaine prochaine, nous allons démarrer une autre partie avec une dynamique tout à fait différente, puisqu'il s'agira de réaliser, toujours collectivement, une étude de cas, mais il est trop tôt pour en parler. Bouclons déjà ensemble cette première partie, donc, comme d'habitude, bonne lecture, bonne réflexion, et surtout peut-être cette semaine, bonne rédaction.